Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, vous êtes dans la jungle des luttes, le programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, le CSPCL, émission qui est rediffusée le jeudi matin à 8h et que vous pouvez retrouver sur le blog La Jungle des Luttes. Alors, lajungledesluttes.blogspot.com de mémoire. Alors du coup, comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, c'est une émission que je vais assurer tout seul, sans Virginie qui est partie sous... prendre l'air ailleurs, et donc qui va se baser principalement sur des enregistrements, interviews qu'on a pu faire dernièrement. Donc on va parler notamment, vous le savez peut-être, la semaine dernière à Paris était organisée une semaine de solidarité avec les prisonniers politiques, qui s'articule autour de la journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques, mais bon, vu qu'il y a quand même beaucoup de matière sur ce genre de thématique, et depuis 2 ans à Paris, il y a une semaine entière qui est organisée. Et donc au cours de cette semaine, on a eu l'occasion avec le collectif des Trois Bassins d'organiser une soirée thématique sur les prisonniers anarchistes au Mexique et les prisonniers mexicains en général. Donc je vais vous passer quelques petits enregistrements autour de cette soirée, la présentation de la semaine et puis des lectures de lettres de prisonniers notamment. On va aussi vous passer là, au cours de cette émission... un petit témoignage de 2 copains qui viennent de rentrer du Mexique et qui vont nous raconter un peu comment ça s'est passé, ce qu'ils ont pensé de leur séjour là-bas. Et voilà, ils vont faire un petit bilan de tout ça. Et si on a le temps, en fonction de comment ça se passe, on va passer aussi une vieille interview qu'on avait fait avec un copain à Notre-Dame-des-Landes pendant le forum contre les grands projets inutiles et imposés, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de passer, mais qui nous présente un peu le contexte des grands projets au Mexique, notamment, et en Amérique latine de façon plus large, et qui nous donne un peu son avis sur ce qui s'est passé au sein de ce forum à ce moment-là. Donc, comme d'habitude, on va commencer en musique pour l'instant. À tout de suite. Ma che caldo faceva, brigadiere rubò la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Quest'ore io le ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Lunghe storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, e l'autore di questo tentato, ed il complice ci eposi tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriamo una finestra, 4 piani sono duri da fare. Compagni, stringevano le nostre l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere propone finestra, una spinta e Pinelli va giù. Et nous revoilà dans la jungle des luttes. Donc bah, je ne vais pas déblatérer trop longtemps, je vais lancer directement l'enregistrement qui commence avec une petite explication du pourquoi, du comment de la semaine de solidarité avec les prisonniers. Et Tania qui va aussi nous parler un petit peu de la situation au Mexique en particulier. Et c'est parti. Simplement pour dire que donc cette soirée qui est organisée ce soir est faite et organisée dans le cadre de la Semaine internationale des prisonniers politiques, de solidarité avec les prisonniers politiques, qui a été un petit peu créée l'an dernier autour de la journée du 17 avril. Alors le 17 avril, c'est la journée internationale des prisonniers politiques, et son origine est en 1975 quand le FPLP, donc Front Populaire Libération de la Palestine, a décidé de faire du 17 avril la journée du prisonnier palestinien. En 2004, au Pays Basque, à Donosti, diverses organisations de solidarité avec les prisonniers politiques d'Europe et d'ailleurs se sont réunies, ont fait une conférence qui a duré plusieurs jours et ont pris entre autres comme décision de faire du 17 avril la journée internationale des prisonniers politiques. Et le FPLP a donc offert cette journée aux autres organisations et aux autres peuples. Donc depuis, il y a eu des événements qui se sont passés. Nous, à Paris, on avait fait des événements un peu aussi tous les ans. Et on s'est... Donc c'était à chaque fois le 17 avril. Et on s'est rendu compte d'une limite, c'est que de faire un événement sur une seule journée avec la diversité qu'il y avait à Paris, ça atteignait rapidement certaines limites. Ça empêchait notamment de développer sur des sujets plus... par exemple, on ne pouvait parler que 10 minutes. Et donc du coup, étant donné la complexité de beaucoup de cas... c'était un petit peu frustrant pour tout le monde. Donc l'an dernier, on a décidé de faire une semaine entière avec chaque organisation, chaque peuple, chaque lutte, qui aurait une soirée ou une journée pour faire son événement. Donc du coup, on a continué cette année avec, depuis jeudi dernier jusqu'à samedi, et même plus, parce qu'il y a deux expositions de peinture. Une au Quilombo pendant tout le mois d'avril, donc 23 rue Voltaire de peinture de Léonard Pelletier, prisonnier amérindien, et à l'espace Louise Michel, 42 Terre Rue des Cascades, une exposition d'un prisonnier politique corse. Donc voilà, plusieurs événements. Pourquoi faire plusieurs événements? Pourquoi surtout faire toute une semaine sur la question des prisonniers politiques? Parce que la question des prisonniers politiques, au-delà de la répression, est centrale. On s'aperçoit que partout où il y a des mouvements de libération nationale, des mouvements de libération sociale, les États et leurs alliés frappent durement les militants. Et la lutte de ces militants continue en prison, et on voulait et on veut toujours leur donner un écho important, parce que ces militants et ces militantes qui sont incarcérés n'arrêtent pas d'être militants et militantes et n'arrêtent pas de lutter une fois qu'ils sont en prison. Au contraire, les luttes continuent, et évidemment la lutte pour leur libération est toujours un point central de toutes les luttes, et donc pour nous il est central et important de réaffirmer chaque année, et pas seulement autour du 7 avril mais toute l'année, la nécessité de lutter en faveur d'abord de leurs droits, en général qu'il y ait des conditions d'incarcération moins dures, des régimes moins durs, que ça c'est la première chose, on va dire, immédiatement applicable. Et puis la seconde, et ça pour nous, je crois pour tout le monde, c'est quelque chose d'évident, c'est de demander évidemment leur libération et leur amnistie totale, sachant que bien souvent, et pour nous les choses sont claires, ces amnisties-là ne passeront que par ce qu'on appelle un règlement de la situation, Et il n'y a pas de mystère quand on est face à des situations coloniales, des situations où le capitalisme est en domination, ben, c'est l'abolition de ces systèmes-là qui passera, enfin, qui entraînera la libération et surtout le fait que personne n'y retournera. On parle souvent de fin de la, enfin, de la fin de la violence, de paix, etc. La paix, il ne faut pas se tromper. Si elle peut être obtenue, c'est uniquement en supprimant les causes de la violence, c'est-à-dire en supprimant l'exploitation coloniale et capitaliste qui existe partout dans le monde. Dernière petite chose, toujours dans cette idée, dans cet esprit de donner un écho important aux luttes, on s'est rendu compte aussi que sur Internet, il y avait très peu de présence de la question des prisonniers politiques, sauf des prisonniers d'extrême droite, qui trustent les premières places sur les moteurs de recherche. Donc du coup, on a créé un portail d'information francophone sur les prisonniers politiques. Donc c'est prisonniers-politiques au pluriel.samizdat.net. Où il y a différentes pages, différentes rubriques en fonction des luttes. Donc il y a les prisonniers basques, corses, mexicains, mapuches, sahraouis, etc. Avec une mise à jour le plus régulière possible en fonction des actualités et un agenda avec tous les événements qui se passent dans l'État français autour des prisonniers politiques. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que cette semaine, comme l'an dernier, beaucoup d'événements se passent, pas seulement à Paris, il y a aussi des choses qui se passent en Bretagne, en Corse, au Pays Basque, à Lille, à Montpellier, et puis partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, ça fait une dynamique qui est assez intéressante, et le site et la collectif d'organisation qui prépare cette semaine est bien décidé à la continuer tout au long de l'année. Donc du coup, je pense qu'on risque de se revoir. Voilà. Donc je rappelle juste l'adresse du site, c'est prisonnier-politique.samizdat.net. Bon, merci beaucoup d'être venu. Je vais prendre. Bah, en fait, justement, cette soirée, elle est dédiée à tous les prisonniers qui sont adhérents à la 6e déclaration sabbatiste et aussi aux compagnons qui sont anarchistes et qui se sont fait arrêter à Mexico dans les derniers mois. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, la 6e déclaration, c'est une proposition qui était faite par l'armée sabbatiste de libération nationale à la société civile nationale et internationale. Et donc, c'est une proposition politique qui appelle à la solidarité des luttes et à créer des réseaux de lutte, des convergences de lutte, etc. Donc à cette initiative-là, dans l'année 2006, en fait, ils lancent une sorte de mobilisation qui s'appelle l'autre campagne, mais aujourd'hui, ça a changé, c'est la sexta tout court. À ce mouvement-là, y a des organisations d'individus, des collectifs qui adhèrent justement à cette proposition politique, à créer un mouvement anticapitaliste, civil, pacifique, en bas et à gauche, et se débarrassant des partis politiques et de toute logique électorale. Et donc, à cette proposition, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent. Sauf que la réponse de l'État à ces luttes-là a été la répression, la persécution politique, la prison. Actuellement, à un moment donné, en fait, en 2009, quand la campagne internationale pour la libération des prisonniers a été menée, en fait, il y avait, à ce moment-là, en 2009, il y en avait 50 prisonniers. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce à la mobilisation nationale et internationale, on a seulement 5 prisonniers qui sont adhérents à la Sexta. Donc aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un compagnon que ça fait 18 ans qu'il est en prison. Il est adhéré à la Sexta quand il était en prison et on va vous raconter son histoire par une vidéo. Donc c'est Alvaro Sebastián Ramírez. Après, la persécution anarchiste, ça a toujours existé au Mexique, sauf que là, en 2012, en fait, quand il y a eu l'investiture présidentielle du nouveau président Enrique Peña Nieto, il y a une accélération de la répression, et donc on se trouve avec, à un moment donné, il y en avait 15 compagnons anarchistes qui étaient en prison, aujourd'hui il y en a 7. Et donc aujourd'hui aussi, on va vous présenter l'histoire de Mario González, qui a été arrêté le 2 octobre 2013, pour son militantisme, mais aussi pour sa pensée anarchiste. Donc il faut dire aussi que la vidéo de Mario, elle va être présentée aujourd'hui même à Besançon. Eux aussi, ils ont préparé une soirée de solidarité pour Mario González. Et on n'oublie pas nos camarades, aujourd'hui, on ne les oublie pas. Et donc on a quelques lettres qui nous ont été adressées. Donc aujourd'hui, il y a la Croix Noire Anarchiste qui nous a envoyé une lettre pour qu'on puisse la lire aujourd'hui, pour raconter un petit peu la situation dans laquelle se trouve pas seulement les anarchistes, mais tous les mouvements sociaux qui se font, on va dire, criminaliser systématiquement par le pouvoir, par l'État. Donc on va vous lire la lettre de la Croix-Noire anarchiste et ensuite on passe à la vidéo de Mario González. Je vais vous lire la lettre de la Croix-Noire anarchiste de la ville de Mexico. La Croix-Noire anarchiste est un réseau international de groupes qui travaillent pour la liberté des prisonniers et des prisonnières, pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Nous soutenons particulièrement les prisonnières et prisonniers anarchistes, mais nous n'oublions pas qu'il y a d'autres prisonniers qui luttent depuis l'intérieur, même de la prison, qui ont des idées différentes et voient la lutte d'une autre façon. Ces derniers, nous les soutenons sans que cela veuille dire que nous nous identifions à leurs idées, mais nous nous identifions à leur résistance contre la bête carcérale. Nous ne nous pensons pas comme un collectif homogène, mais plus comme un espace pour coordonner des travaux et à travers l'appui mutuel et le libre accord, nous accompagnons sur le chemin pour la liberté. Nous sommes un groupe qui, depuis 10 ans, se dédie à apporter une solidarité à nos frères et à nos sœurs en prison. Nous luttons pour la destruction du système carcéral. En effet, nous voyons que la prison, l'isolement et la punition ne sont pas des solutions aux problèmes sociaux, mais au contraire, ils renforcent le système. Nous ne voyons pas la prison comme une partie de plus du capitalisme et de la domination, mais comme un de ses piliers. C'est pour cela que nous voyons notre lutte anticarcérale comme une lutte anticapitaliste et anti-autoritaire. Nous pensons qu'il n'y a pas de remède aux prisons, elles ne servent à rien, nous n'en voulons pas. Nous désirons voir tomber ces murs et avec eux ce système. Nous recherchons une société libre avec des alternatives efficaces pour éviter l'existence de ces centres d'extermination. Nous voulons construire cette société dans le présent, dans notre quotidien. Nous n'attendons pas qu'il y ait les conditions pour une révolution. Nous faisons la révolution dès maintenant. Nous savons qu'il y a différentes manières et modes de comprendre et de pratiquer l'anarchisme. Mais nous croyons qu'il existe plusieurs points communs. La recherche du bien-être, de la plus grande liberté et du plus grand développement pour tous les êtres humains. Le fait de ne pas vouloir être opprimé ni oppresseur. Le rejet de l'autorité centralisée et coercitive, la recherche de l'autorégulation de la liberté. C'est pour cela que l'anarchisme ou les anarchismes sont extrêmement gênants pour le pouvoir. Et les anarchistes, nous sommes un énorme danger. Un danger qu'il faut combattre et pour cela, l'État utilise toutes ses ressources légales, extra-légales qu'il a apportées de main pour fabriquer des cas et monter des accusations. Ce qui est en train de se passer dans la région mexicaine est une démonstration de cela. Arrestations, déportations, persécutions, menaces font partie d'une chasse aux sorcières que l'État a décrétée contre les anarchistes. Depuis plus d'un an, le gouvernement de la ville de Mexico, ensemble avec les grands médias de communication, ont commencé une campagne contre l'anarchisme, en créant l'image d'un ennemi dangereux qu'il est nécessaire de combattre pour le bien de la société, et avec l'excuse de combattre ce danger, ils ont approuvé et mis en place des mesures qui renforcent la machine du contrôle social. L'installation de plus de 20 000 caméras de surveillance dans toute la ville, la mise en place du protocole de contention des foules, les réformes du code pénal local afin de durcir les peines, et la fermeture du Zocalo, la place centrale de la capitale, pour empêcher l'arrivée de manifestations. L'augmentation toujours plus forte de la présence policière dans les rues, tout ceci n'est qu'une partie de ce contrôle. Le bilan de cette politique, c'est plus de 500 personnes détenues durant différentes manifestations et mobilisations. Bien qu'elles ne soient pas toutes anarchistes, les médias répètent inlassablement qu'elles le sont. Cela fait partie de sa scénographie répressive. Ils prétendent lier chaque acte de désobéissance et de protestation à l'anarchisme dans une tentative désespérée de cacher la réalité sociale où existe un énorme mécontentement qui est en train de s'étendre. En effet, il y a chaque fois plus de personnes qui sont désenchantées des mensonges de la démocratie bourgeoise capitaliste et qui cherchent à construire des alternatives viables pour avoir une vie digne. Et nous sommes aussi de plus en plus nombreux à savoir que nous ne pouvons construire sans détruire, jusqu'à ses fondations, tout ce qui nous opprime et nous exploite. Plusieurs de ces détenus sont toujours enfermés. Notre frère anarchiste, Jorge Mario González, est l'un d'eux. Le 10 janvier, il a été condamné à 5 ans et 9 mois de prison. Mario est en lutte depuis son arrestation. Il a fait une grève de la faim de 56 jours. Il y a aussi Salvador Martinez, skinhead antifasciste, détenu le 2 octobre 2013, qui se trouve dans l'attente de sa condamnation. Et aussi Luis Fernando Barcenas, accusé d'avoir brûlé un arbre de Noël propriété de Coca-Cola le 13 décembre dernier. José Alejandro Bautista Peña, Abraham Cortés Avila, Victor Efrén Espinosa Calixto, José Daniel Palacios Cruz, Ilia Daniel Infante Trejo, Miguel Adrián Gutiérrez et Iribar Ibiñarriga Ramírez, ainsi que Gabriel Luna Flores, sont aussi toujours détenus. Ils et elles ne se revendiquent pas anarchistes. Mais tant qu'ils sont prisonniers, tant qu'une seule personne est séquestrée par l'État, enfermé dans une cellule, privé de sa liberté, personne, aucun d'entre nous, ne peut être complètement libre. C'est pour cela que nous exigeons leur liberté. Le 5 janvier, trois compagnons anarchistes ont été arrêtés après qu'une concession Nissan et un bâtiment du ministère des Communications et des Transports aient été attaqués. Les arrestations de Carlos López, Amélie Pelletier et Fallon Poisson ont été le prétexte pour une recrudescence de la chasse aux anarchistes. Ils accusent nos frères de terrorisme. Face à cela, nous n'avons rien à dire de plus que pour nous, les seuls terroristes sont l'État et le capital. Au milieu de cette campagne anti-anarchiste, certains compagnons et compagnonnes ont organisé un symposium international anarchiste, journée informelle, en décembre dernier, avec l'intention de renforcer le discours de la pratique anarchiste. Dans ce symposium, une intervention du compagnon Alfredo María Bonanno était prévue. L'État mexicain lui a refusé l'entrée sur le territoire en argumentant qu'il s'agissait d'une personne dangereuse et indésirable. À la fin de ce symposium, le compagnon Gustavo Rodriguez a été arrêté et expulsé du pays. Récemment, Mario López Tripa, qui avait été arrêté en 2012 et dont le procès est toujours en cours, a été arrêté. Le compagnon est sorti sous caution quelques jours plus tard. Nous n'oublions pas non plus notre compagnon Alvaro Sebastián Ramírez, indigène de la région Los Icha, actuellement emprisonné dans une prison de haute sécurité. Nous ne demandons pas un jugement juste pour nos compagnons, ni n'implorons que cesse la persécution contre l'anarchisme. Nous savons que le pouvoir continuera à nous persécuter, à nous criminaliser. Nous démontrerons que malgré la répression, la prison et les menaces, nos envies de liberté sont grandes et qu'à travers l'organisation et la lutte, il est possible d'arriver à un monde meilleur. Personne ne sera complètement libre tant qu'il existera une seule personne prisonnière. À bas les murs des prisons, liberté pour tous et toutes. Vive terre et liberté, vive l'anarchisme, croix noire anarchiste de la ville de Mexico. Ils existent, la plupart fils de rien, ou bien FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors je vais le répéter comme on le dit à chaque fois, mais vous pouvez trouver aussi des infos sur les luttes, les prisonniers, les luttes zapatistes et autres sur le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Et on va continuer maintenant avec la suite de cette soirée qui était dédiée aux prisonniers mexicains, prisonniers politiques mexicains dans le cadre de la semaine de solidarité avec les prisonniers politiques, semaine internationale pour tous les prisonniers politiques du monde, voire même pour tous les prisonniers tout court. Et donc on va continuer avec la lecture de deux lettres de prisonniers, Mario et Alvaro, et un petit point sur leur situation, une petite explication de pourquoi ils sont là où ils sont et ce qui s'est passé. Et c'est parti. Bonjour compagnons et compagnonnes. Je souhaite vous envoyer une forte accolade et vous remercier pour votre solidarité avec moi et les prisonniers et prisonnières anarchistes d'ici. Avant de partager avec vous et de vous donner des informations sur mon cas, je voulais vous dire que pour moi, ces liens qui sont en train de se construire sont très précieux. En effet, pour en finir avec le système globalitaire, il est nécessaire de l'affronter depuis chaque coin de la planète, et cela toujours dans l'esprit libertaire. Je considère que les liens de solidarité ont pour objectif commun de vaincre la peur et défier cet ordre imposé. Au Mexique, une vague de répression s'est déchaînée contre toutes les luttes sociales en les qualifiant toutes de violentes, criminelles et d'attentats aux intérêts de la société. À chaque fois, les puissants créent de plus en plus de mécanismes pour criminaliser et contenir les contestations. Ils prétendent justifier auprès de la société la nécessité de les réprimer en prétendant protéger la sécurité de celle-ci. Je m'appelle Jorge Mario González García. J'étais étudiant du Collège de sciences humaines de l'Université nationale autonome du Mexique. Une école avec des principes critiques et avec une tradition et un enseignement combatif qui l'a caractérisé depuis sa création. En effet, une grande partie des étudiants et étudiantes de 1968 l'ont inaugurée. Depuis que j'y suis entré, j'ai commencé à faire de l'activisme à l'intérieur et à l'extérieur de cette école. Au temps où j'étais dans cette école, nous nous sommes organisés pour ouvrir des espaces pour les étudiants que les autorités avaient fermés. Nous nous sommes aussi organisés contre ces mêmes autorités qui voulaient en finir avec le peu qui restait du projet originel de ces écoles, tels que le sens critique, l'humanisme et le social. Pour avoir commencé cette lutte, nous les élèves, compagnons et compagnonnes, avons été frappés, menacés, expulsés et persécutés. Suite à notre dernière tentative pour récupérer notre place à l'Université nationale autonome du Mexique, au moment où je m'en allais du piquet de protestation que nous maintenions devant le rectorat et que je me rendais à la manifestation qui commémorait le massacre du 2 octobre de Tlatelolco, j'ai été arrêté dans un bus. J'ai reçu d'innombrables coups et des charges électriques de la part des CRS. Depuis la cité universitaire, nous avions été ciblés pour qu'ils nous arrêtent. Ensuite, ils m'ont fabriqué le délit d'attaque à la paix publique. Ils m'ont transféré en cachette en prison en utilisant un grand déploiement policier. Puis après avoir payé ma caution pour pouvoir suivre mon post-procès en liberté, j'ai été réarrêté car le juge a considéré que j'étais un danger social. J'ai été condamné à 5 ans et 9 mois de prison. Cela fait 6 mois que je suis emprisonné. Il y a peu de temps, les autorités ont confirmé ma condamnation. Et à cause de ce caprice, je vais continuer à être privé de ma liberté jusqu'à ce que ma situation juridique soit revue lors d'un jugement dit de amparo, un appel direct. Je vous remercie infiniment de votre soutien qui nous a déjà été très utile à moi et à mes êtres chers. J'espère bientôt pouvoir vous remercier sans être derrière les barreaux. Salud, anarchie et révolution sociale. Jorge Mario González. Donc la situation de Mario, là, en fait, il a déjà été condamné, donc, comme vous l'avez entendu dans sa lettre, à 5 ans et 9 mois. Il est condamné pour attaque à la paix publique. C'est un délit, en fait, qui a été remis au goût du jour par la ville de Mexico, parce que c'est un peu le, il y avait un délit un peu identique qui ressemblerait un peu à un délit de sédition qui avait, qui en 1968 avait cours. Ce délit menait à 30 ans, vous pouvez mener jusqu'à 30 ans de prison. Suite à des manifestations lors de l'investiture de Peña Nieto, il y a beaucoup de gens qui ont fait face à ces accusations-là. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par la prison à ce moment-là. Et beaucoup d'avocats aussi qui solidairement les ont défendus et qui ont réussi en fait à faire changer le barème haut en fait de cette peine qui est passée de 30 à 7 ans de prison. Donc Mario a eu 5 ans et 9 mois qui est quasiment le maximum, parce que le maximum étant 7 ans de prison. Actuellement il a passé déjà un appel donc, qui a été rejeté au final puisqu'il a été recondamné à la même sentence. Donc là ils vont faire un recours, un amparo directo, c'est le terme espagnol, ce qui veut dire qu'en fait ils vont attaquer plus sur ce qu'on pourrait appeler des vices de procédure, c'est-à-dire qu'il a été torturé pendant sa détention, que le dossier a été mal traité, que toutes les preuves n'ont pas été prises en compte. Donc pour le cas de Mario actuellement on en est là. Pour les prisonniers du 2 octobre, il y en a qui ont été libérés, donc maintenant il n'y en a plus que 7 au total en comptant Mario. 7 prisonniers anarchistes, et dans ces 7 prisonniers, il y a donc les 3 prisonniers du mois de janvier, Amélie, Fallon et Carlos, et Fernando Barcenas, c'était l'affaire de l'arbre de Coca-Cola. Donc voilà pour les prisonniers toujours incarcérés par la ville de Mexico. Je vais vous lire maintenant une lettre d'Alvaro qui nous a envoyé cette lettre pour cette occasion-là. On s'est pris un petit peu en avance parce que Alvaro a été transféré, il était dans une prison d'État à Oaxaca, il a été transféré dans une prison fédérale neuve, ce qui veut dire neuve veut dire encore plus d'isolement. Ses premières visites avec sa famille se faisaient en vidéoconférence. Et donc pour passer cette lettre, ça a mis 2 mois. Donc je vais vous la lire. Aux compagnons et compagnonnes de la Sexta Internationale de Ropa Zapatista. Alvaro Sebastián Ramírez, prisonnier politique et de conscience de la région Los Sichas, État d'Oaxaca, Mexique, emprisonné dans le pénitencier fédéral de haute sécurité numéro 13, CPS Oaxaca. Depuis cet endroit, je vous envoie mes salutations fraternelles et une forte accolade à chaque compagnon et compagnonne de la Sexta Internationale de Ropa Zapatista. Par cette lettre, j'en profite pour vous dire que je vous suis reconnaissant, cela vient du cœur, car je veux vous remercier de vos efforts et pour la solidarité inconditionnelle que vous m'avez apportée à tout moment et dans tous les moments les plus difficiles en prison. Et qui ont eu un très fort impact et ont fait souffler le vent, bouger des collines et des montagnes dans cette partie du Mexique. J'ai appris que durant la deuxième quinzaine du mois d'avril de cette année, il y aura à Paris, en France, une semaine internationale, une semaine d'intense activité politique pour la liberté des prisonniers politiques dans le monde. J'en profite donc pour envoyer des salutations et des accolades à chacun des prisonniers politiques qui se trouvent en prison dans les différentes parties du monde, et à qui je veux leur dire, résister, c'est vaincre, et qu'ils ne pourront jamais nous enlever notre courage actif. Nos luttes sont justes, nous avons la vérité et la raison, nous voulons la justice et une vie digne pour toutes les personnes, où nous pourrons vivre en harmonie avec les chances égales, sans exploitation, sans spoliation, sans répression et sans mépris. Il est temps de changer le monde et d'en faire un lieu meilleur. Nous devons lutter sans relâche pour que cela arrive. Enfin, je lance un appel à tous et toutes les compagnons et compagnonnes pour que vous restiez attentifs et attentives à ce qui pourrait arriver ici. Vive la Sexta Internationale de Europa Zapatista, vive l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, vive le réseau contre la réparation et pour la solidarité, vive les compagnons et les compagnonnes de Oaxaca, vive les hommes et les femmes qui sont en lutte dans les villages du monde. C'est Fresno numéro 13, Oaxaca, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Mexique, 8 mars 2014, Alvaro Sebastián Ramírez, prisonnier politique et de conscience de la région Los Hichas, Oaxaca. Bon, je pense que les lettres, ils disent tout. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire après ce qu'il a dit Alvaro Sebastián. Donc, tout simplement, on va rapidement parler de la situation actuelle des compagnons. Donc, il faut dire que malgré toute la répression qu'il y a et malgré tout ce qui se passe là-bas et que ça ne s'arrête pas, en fait, ça s'accélère, toute cette répression-là, il y a aussi une organisation qui se met en place. Donc, il faut dire que pour les compagnons anarchistes, il y en a 5 qui sont sortis cette semaine. On l'a pris avec beaucoup de joie. Et donc, le piquet des protestations, parce qu'en fait, les familles se sont organisées pour continuer à soutenir les prisonniers qui restent. Donc, il y a un piquet des protestations à l'extérieur de la prison nord de Mexico. Et donc, les mamans se sont organisées justement pour donner à manger aux prisonniers qui restent. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans les prisons mexicaines, il faut absolument payer pour tout, pour les papiers toilettes, pour les serviettes hygiéniques, pour les médicaments, pour tout ce qui est... il faut absolument payer. Donc, le piquet des protestations qui est mis à l'extérieur de la prison sert à ça, sert à donner à manger aux prisonniers. Donc, les mamas, ils continuent à donner à manger aux prisonniers. Ils sont fait un appel, justement, à la solidarité pour qu'on puisse, continuer à les aider à niveau économique, puisque c'est super difficile de payer à chaque fois, même s'ils doivent les visiter, c'est 10 pesos en fait, s'ils veulent passer les voir, même s'ils ont le droit de le faire. Et pour être dans la liste d'attente pour les visites, c'est 20 pesos. Donc tout est complètement payant. Donc d'un côté, il y a les piquets des protestations qui continuent à soutenir les prisonniers. De l'autre côté, il y a la Croix Noire anarchiste qui mène actuellement une campagne pour les compagnons qui sont actuellement et les compagnies qui sont actuellement en prison. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le réseau contre la répression et pour la solidarité, que vous l'avez vu dans la vidéo, qui mène depuis 2006, en fait, une campagne pour la libération de tous les compagnons et compagnes qui sont, pas seulement en prison, mais tous ceux et celles qui subissent la répression au Mexique. Donc, finalement, il y a la répression, oui, mais il y a aussi l'organisation qui se met en place et que, voilà, on ne laissera jamais tomber les compagnons et les compagnes qui sont en prison. Donc je voulais, je ne sais pas, Renato, si tu veux parler un petit peu de la situation là-bas avec Alvaro et donc la vidéo, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la vidéo et tout ça, je pense que c'est important. Après, si vous avez des questions, bah on... Ouais, bon, je vais faire son micro, on m'entend dans le fond ou pas? Non. Prends le micro. L'arrivée des trois premières files. Après, on regarde tout. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juin 2013, du coup, il y a eu en fait une série de. Tu parles dans le micro, du coup. Là, on ne m'entend pas du tout. Pardon. Excusez-moi. En fait, du coup, l'année dernière, au mois de juin 2013, il y a eu une série de transferts des camarades de Los Hichas d'un pénitencier d'État à les nouveaux centres de fédéraux de réadaptation sociale, soi-disant. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à se rapprocher un peu plus de Erika, sa fille. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à collaborer avec eux. Je viens d'apprendre cette semaine, il y a quelques jours, que le cas juridique de Alvaro était en fait en train de passer au niveau de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Sauf que ils ont refusé. J'ai pas très bien compris. Peut-être que tu peux m'aider dans la traduction. Ils ont refusé accessar el caso. Je pense qu'ils ont refusé de checker, enfin de réviser carrément le cas. Donc au niveau juridique, pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. Sinon plutôt du côté politique et du mouvement social où je pense qu'il faut continuer à le soutenir. Je sais pas. Juste pour rappeler, c'est dit déjà dans la vidéo, pour Alvaro en fait, comme il est accusé d'appartenir à une guérilla, il y a au Mexique, dans la Constitution, il y a l'article 132 qui dit que les rebelles, quand ils font des actes de rébellion, donc par exemple dans ce qui est accusé Alvaro, qui est une attaque contre la police, ne peuvent être condamnés pour homicide. Ils sont condamnés pour actes de rébellion, donc en fait c'est comme un contexte de guerre. Donc ils peuvent être condamnés maximum à 5 ans de prison. Sauf qu'Alvaro, ça fait 18 ans qu'il est en prison. Et la personne qu'on a vu parler, ancien guerrieros, Jacobo Silva, qui est un prisonnier qui a été libéré en utilisant cet article de loi, puisque lui était d'une guérilla, il a réussi à sortir après plusieurs dizaines d'années, enfin une dizaine d'années de prison. Grâce à cet article. Article, en fait, il s'est défendu lui-même. Il a appris le droit, Jacobo Silva, qu'on voit dans la vidéo, il a appris le droit en prison, il a trouvé l'article, il a fait son appel tout seul, et lui est sorti, ainsi que sa compagne de l'époque, grâce à cet article. Et donc, un des espoirs, bon, les recours juridiques sont un peu épuisés pour Alvaro, mais un des espoirs juridiques quand même, que cherche à pousser Alvaro, c'est cet article-là, en disant « Je suis un militant social, j'ai été accusé d'être un guerrieros, comment ça se fait qu'on m'accuse d'avoir fait un homicide où je prends beaucoup plus que 5 ans quoi. Alors si je suis un guerrieros, si vous dites que je suis un guerrieros, ben appliquez-moi la loi pour les guerrieros. » FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. On continue un petit peu en musique. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around tu poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around tu poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL sur FPP 106.3, retransmis le jeudi matin à 8h. On va comme, du coup passer à autre chose, passer au petit retour du Mexique par deux copains qui étaient il y a quelques semaines de ça, voire même quelques jours. Ça va nous permettre de retrouver la voix de Virginie qui nous manque quand même un petit peu. Et donc ils vont nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, notamment vis-à-vis des coopératives de café et différents ateliers qu'ils ont pu faire de peinture, le suivi un petit peu aussi de la formation des chargés de soins pour les dents, de soins dentaires. Donc bah, je vais vous laisser découvrir un peu ce qu'ils peuvent en raconter. Bonsoir Anne-Marie, FX, il y a peu de temps vous êtes revenus de Mexique, donc on va profiter de votre retour pour avoir vos impressions. Donc vous avez eu l'occasion de visiter plusieurs caracoles, donc les caracoles on rappelle que c'est les régions, disons 5 zones zapatistes avec 5 zones qui sont autogouvernées par les communautés. Et donc, vous avez dans chacun des caracoles fait différentes choses. En tous les cas, eu des impressions. Là, c'est le 20e anniversaire. On est déjà la 21e année, puisqu'on a vêté les 20 ans, on est déjà dans la 21e année. Donc voilà, vous avez eu l'occasion de remarquer des choses, de voir ce qui se passe. Vous avez de l'expérience. Racontez-nous vos impressions. Ce que vous avez fait, il y a aussi des coopératives de café que vous avez visitées. Vous avez fait des ateliers aussi, formation dentiste et peinture, on en parlera un peu au fur et à mesure du temps. Donc je vous laisse la parole, c'est à vous. Qui y va ? Vas-y. Bon, je me lance alors. Bon, bah oui, effectivement, on a été dans presque tous les caracoles, puisque le seul où on n'a pas été, c'est celui de la Realidad. Le plus éloigné. Mais enfin, ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les caracoles qu'on a visités, et en particulier, moi, j'ai trouvé, mais pas que moi, je pense que François-Xavier partage mon point de vue, on a trouvé énormément de changements en positif, par exemple, à Aventic. Aventic, il y a un caracol qui, généralement, c'est assez fermé, assez très ouvert, protocolaire, très fermé à la voix. Protocolaire, c'est assez protocolaire. Et là, la vitrine. Voilà, c'est un peu la vitrine. Mais là, franchement, les rapports qu'on a eus avec eux étaient vraiment des rapports très sympathiques. Ils étaient très ouverts. Ce qu'on a ressenti beaucoup plus que d'habitude, c'était l'échange, c'est-à-dire le fait qu'ils nous disaient ben, merci de venir. Et on leur a évidemment parlé de la semaine qu'on avait fait pour eux sur les 20 ans. Et donc ils nous ont dit, ben merci, merci. Vous avez ramené l'affiche. On a ramené l'affiche, on a ramené des textes, on a ramené tout ça. Des sous. Des sous aussi. Et ils étaient vraiment contents et ils ont vraiment insisté en nous disant, c'est vraiment important ce que fait le comité et en France et ce que font tous nos soutiens à l'extérieur. Et c'est important de venir nous le dire parce que comme ça, on en sait plus. Enfin, ce qui était vraiment important, c'était de voir l'intérêt qu'ils avaient à ce qu'on avait fait, en particulier à Oventic. Et aussi de la façon dont ils concevaient la solidarité vis-à-vis de nous. En particulier, nous, on était aussi pour discuter de questions de café et de voir comment la coopérative de café d'Oventic avait aussi évolué, comment ils étaient très, très... motivés. Beaucoup plus motivés qu'avant, beaucoup plus réceptifs à ce qu'on leur disait et capable de nous dire tout de suite, ouais, on a compris, et ben justement, ce que vous nous dites, on va le renvoyer au niveau des socios. Et ça, c'était vraiment bien. Je voulais souligner ce que tu disais, parce que je pense que ça soit donc sur Oventic et sur la coopérative de Yalchil, mais aussi sur celle de l'autre coopérative avec laquelle on travaille, du Caracol Nord de Roberto Barrios, la coopérative Sile Kilum. Ces deux coopératives sont dans une situation particulièrement difficile cette année, car durement touchées, frappées par la rouille du café, par un parasite, un champignon, qui remonte depuis le Brésil et la Colombie depuis 4-5 ans, et qui a notamment attaqué les champs de café des zones plus chaudes, donc plus de la coopérative de la zone nord, Citlekil, que celle de Ventic Yalchil. Mais même celle de Yalchil est touchée. Et donc les socios, les membres de la coopérative, sont cette année dans une situation très très difficile, parce que certains ont perdu jusqu'à la moitié de leur récolte, ce qui représente pour les familles une très grosse perte sèche économiquement. Et pour avoir rencontré les deux coopératives avaient un discours très, très combatif, à la fois de dire on va pas se laisser abattre et on va trouver les moyens de combattre cette maladie, de résoudre ça, et de dire aussi que cette année, alors que du coup, parce que bon, ça, évidemment ça n'a pas touché que les coopératives apatistes, mais il y a une très, très, très forte chute de la production de café un petit peu partout, donc du coup ce qu'ils appellent les coyotes, les intermédiaires des multinationales payent le café beaucoup, beaucoup plus cher que les autres années. Et du coup, il pourrait y avoir une tentation des membres des coopératives de vendre plutôt le café aux intermédiaires qu'à nous. Et il y a un discours politique bien, bien marqué, très fort, à la fois de la Junta, des Mesa Directiva, et puis les anciens des coopératives, hein, de ceux qui sont des militants qu'on voit qui sont là depuis longtemps, de dire... on était ensemble à Anne-Marie et Roberto Barrios quand les anciens de la coopérative disaient, mais moi, il n'y a même pas un kilo de café que je vendrais aux coyotes. Donc il y a une très forte conscience de ce qu'ils sont, de pourquoi ils sont zapatistes et pourquoi ils sont dans les coopératives zapatistes. Et aussi de conscience de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bien fait la différence et ils disent, oui, vous n'êtes pas pareil que les coyotes, que les gens qui achètent d'habitude. Et donc, il n'est pas question, on a un compromisso, on a un contrat, mais c'est presque un pacte avec vous. Et donc, ce pacte, coûte que coûte, on va essayer de l'honorer. Ça va être difficile parce qu'il y aura moins de café, mais on va essayer de l'honorer. Et donc, il y avait ce vieux qui s'est levé à un moment donné et qui dit, moi, même s'il me paye le triple, jamais je vendrai même pas un grain de café à un coyote. Parce que je sais bien que les coyotes, une fois, ils nous les achètent et puis le lendemain, ils nous laissent tomber, alors qu'on a bien compris que vous le faisiez dans un autre état d'esprit. Et ce qui était intéressant, c'était de voir justement l'adéquation entre le discours des juntas et le discours des socios, alors que quand même les socios ils sont confrontés à un gros problème. Ouais, je pense surtout qu'on peut le dire aussi parce qu'il y a quelques années, il y a eu des problèmes de production à cause des inondations. Des sortes d'ouragans. Il y a eu une production une année qui était un peu plus faible. Effectivement, il y a une partie des producteurs qui avaient peut-être une conscience politique un peu moins forte et c'était peut-être moins prégnant à la coopérative le fait qu'on vendait à des gens qui n'étaient pas des intermédiaires mais des gens solidaires et qui du coup avaient vendu une partie de leur production à des coyotes parce qu'ils proposaient effectivement en période de disette, on peut dire, pour le café, à des prix supérieurs à nous, forcément, parce que c'est les enchères, là. Les mecs, ils arrivent avec leur camion. D'autant plus qu'il faut dire que c'est beaucoup plus facile de vendre à un coyote que de vendre à nous, parce qu'en fait, le coyote, il achète sur pied. Donc après, ils n'ont plus de soucis à se faire. Alors que nous, il faut qu'ils aillent, qu'ils récoltent le café, qu'ils l'amènent. Il y a une partie du café qui n'est pas assez bonne pour l'exportation, donc celle-là, elle leur reste sur les bras, etc. C'est plus compliqué et beaucoup plus coûteux pour eux de nous vendre à nous, même si on achète un bon prix, c'est quand même pas facile. Mais surtout, ce qui moi m'a paru très important, très intéressant, et ça, je pense que c'est quand même aussi on peut le mettre sur le compte de l'Escolita aussi, et de la façon à travers l'Escolita, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu l'Escolita. Ils sont beaucoup plus organisés entre eux, c'est-à-dire que toutes les solutions face au problème de la maladie qui touche le café, ce qu'ils nous disaient tous, c'est que de toute façon on va former des gens pour essayer de voir comment éradiquer la maladie. On travaille, alors les uns ils travaillent avec les promoteurs agro-économiques, agro-écologique. D'autres, ils vont travailler plus avec d'autres organisations, mais ce besoin de se relier entre eux et de s'organiser entre eux. Et cette possibilité, cette capacité à s'organiser, ça, c'est... Je vais juste rappeler quand même que l'Escolita, c'était la dernière initiative Zapatis, qui était la proposition d'inviter des gens du territoire mexicain ou d'ailleurs à les visiter, à passer... une semaine avec eux, et de pouvoir justement pouvoir partager leur expérience d'autonomie et de leur faire partager leur expérience autant en ce qui concerne l'agriculture que l'autogouvernance, que la santé, l'école, etc. Et donc cette Escolita, elle est obligée à justement les caracoles à un peu se coordonner, puisque c'était des gens qui allaient dispatcher sur des territoires avec la consigne première étant de partager leur expérience. Donc tous les apatistes qui nous ont reçus, les uns et les autres, avaient en quelque sorte préparé un petit peu le terrain pour recevoir des gens à qui on allait partager toute leur intimité, si on peut dire, politique et quotidienne. Et donc c'est ça dont elle parlait, Anne-Marie, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'organisation inter-caracole. Ce qui jusque-là était plutôt rarement arrivé. Ils ont beaucoup échangé, et même en fait, ils nous ont, quand on est arrivé à l'école, là je reparle un petit peu de l'école parce que c'est important, je pense, de bien marquer ça. On avait des cahiers, et ces cahiers, en fait, c'était la parole de tous les bases d'appui des différents caracoles. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que par exemple, il y avait les questions que posaient un certain nombre de bases d'appui à d'autres bases d'appui d'un autre caracole, en leur disant, ah bon, et chez vous, comment ça se passe, et comment vous avez résolu, etc. Donc vraiment là, de ce point de vue là, ils ont pas simplement une organisation par caracole, mais ils ont une organisation, enfin, qu'ils avaient déjà, mais qui n'était pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on a vu au moment des ateliers dentaires. Mais ça, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, parce que c'est effectivement sur les ateliers dentaires, c'est quelque chose qui est très marquant et très prégnant. Mais sur les coopératives de café, en tous les cas, donc sachez que Échange Solidaire, c'est une association qui distribue donc le café. On en parle régulièrement. Donc il y a la possibilité d'acheter du café en Zapatiste, donc rebelle, ce qui veut dire rebelle. Écologique, en souscription, en pré-souscription. Avant de l'avoir, on l'achète, mais comme ça, justement, ça les aide, parce que au moment de la récolte, on peut leur envoyer, nous, à Échange Solidaire, un peu d'argent pour que eux, ils puissent assurer la récolte dans des bonnes conditions, en particulier payer les transports, etc., etc. D'où l'importance de cette contribution aux coopératives. Et sans ça aussi, on peut dire aussi, ça touche aussi la deuxième partie de notre... Mais sur le café, alors, donc, finissons-en sur le café. Donc, sachant... du coup, il y a des problèmes de récolte de café. Toutefois, il y a des gens qui ont pré-vendu du café, enfin, qui ont pré-acheté du café que l'on pré-vend. qu'a priori on imagine qu'on aura quand même une certaine quantité parce qu'on a une marge. Bah, oui, de toute façon, il y a déjà un conteneur d'une des coopératives qui arrive au mois de mai. Et c'est par contre le conteneur d'un deuxième coopératif dont on ne sait pas exactement quelle quantité on recevra. Mais bon, effectivement, je pense qu'on arrivera à couvrir les souscriptions. Par contre, il n'y aura sans doute pas tellement plus de café à vendre cette année. Donc on rappelle évidemment que le café qui est vendu au prix de 3,40€, le paquet de 150 grammes, c'est ce qu'on prend la partie qui est payée au producteur, la partie du transport, la partie du torréfacteur. Le reste, c'est les bénéfices, quelques frais à peine, c'est-à-dire des frais d'envoi pour les gens qui sont en dehors de Paris. Mais sinon, tout le reste des bénéfices, vu qu'on n'a pas de salariés, ni très peu de frais d'un bureau, d'un petit local, au 21 Terre, rue Voltaire, où on a une permanence en général au moins les trois quarts de l'année de 16h à 20h. Donc, tous les bénéfices, c'est trois quarts de l'année, tous les bénéfices sont versés. C'est pas le reste des bénéfices, c'est que sur le Non, j'ai dit, tout, j'ai dit tout les trois quarts de l'année. Non, avant, tu as parlé tout le reste des bénéfices est reversé aux communautés. C'est l'ensemble des bénéfices sont reversés aux communautés une fois déduits les frais de fonctionnement de l'association, frais d'envoi, frais de local, etc. Alors, ils sont divisés en 6 parties. Il y a une partie pour chaque caracole, y compris ceux avec qui on n'a pas de commerce de café. Mais il y a une 6e partie qui sert à des projets. Et on pourrait parler justement d'un projet qu'on a décidé de soutenir cette année un tout petit peu et qui montre aussi un peu l'avancée de tous ces caracoles. C'est qu'en fait, dans plusieurs caracoles, ils sont en train d'essayer de faire des livres à usage interne sur les plantes médicinales qui seraient utilisées dans les communautés, qui seraient des livres qui serviraient aux communautés pour pouvoir soigner les gens, parce qu'évidemment, les plantes médicinales, non seulement ça correspond à retrouver une médecine plus traditionnelle qu'ils avaient un petit peu perdue, mais c'est aussi moins cher que les médicaments. Et ils sont en train de faire un sacré travail là-dessus. Et notamment, on a décidé cette année d'appuyer un projet qui a lieu à Oventic sur les plantes médicinales. Mais il faut savoir qu'il y en a eu une. Déjà, il y a eu un livre de fait à la Realidad, qu'il y a plusieurs livres, il y a plusieurs projets comme ça qui sont à l'état d'ébauche ou dans la tête des gens dans les différents caracoles. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que les caracoles, en même temps, ils se relient entre eux pour échanger les informations, mais en même temps, ils sont très, ils ont aussi envie d'être autonomes. Les plantes d'un endroit, c'est pas les mêmes que les autres. C'est de toute façon, ils sont obligés d'avoir des savoirs différents, puisque dans une région ou une autre, t'as pas les mêmes plantes, t'as pas les mêmes altitudes, t'as pas les mêmes animaux, t'as pas les mêmes piqûres, t'as pas les. Mais la beauté de la chose, c'est comment ça se complète et que ça se répond. Croise. FPP 106.3, la jungle des luttes. Años de revolución, conoces el sentimiento y eso me hace. revolución. 100 años de revolución. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. 100 años de revolución. 100 años de revolución. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. PP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Vous avez peut-être connu nos copains de la Resistencia de Mérico qui étaient venus faire un tour par ici l'année dernière. Alors on va continuer du coup avec le petit retour du Mexique, la deuxième partie qui parlera un peu plus des ateliers dentaires, notamment des ateliers peinture et de toutes ces choses-là. Avant ça, parce que du coup la fin de l'émission va venir assez vite, je voulais vous rappeler que donc le comité se réunit tous les mercredis dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles. C'est une assemblée générale ouverte, vient qui veut, qui a envie de s'informer, de savoir ce qui s'y passe ou de s'impliquer. Donc voilà, c'est un rendez-vous ouvert à tous. Et je voulais vous annoncer aussi que le collectif de la nouvelle rôtisserie qui essaye d'implanter, de réouvrir feu la rôtisserie, organise samedi midi à la cantine des Pyrénées un repas de soutien à la cantine des Pyrénées qui, vous le savez peut-être, est menacée d'expulsion depuis le mois de septembre dernier et qui se bat pour continuer son activité. Donc il nous avait filé un fier coup de main l'année dernière en nous permettant d'utiliser leurs locaux pour faire un repas de soutien à la nouvelle rôtisserie. Donc on s'est dit, on va leur rendre l'appareil et voilà, ça sera un repas végétarien, prix libre, samedi midi. Et n'hésitez pas à venir. Et donc, on va commencer la deuxième partie de l'interview de Anne-Marie et FX. Bonsoir, on est de nouveau avec Anne-Marie et FX qui sont de retour depuis peu du Chiapas, le Mexique, donc où il y a cette expérience d'autonomie par les communautés zapatistes déjà depuis 20 ans. Et donc, il y a le Caracol de Morelia dans lequel il y a des expériences qu'on connaît peut-être un peu plus parce qu'on y est un petit peu plus. Après, il y a plein d'autres expériences, évidemment, autre part. Par contre, donc, nous, on peut parler plus précisément, justement, de ces moments de partage. Donc, avec FX qui donne des ateliers d'orthodontie. Ça, non, pas du tout. En espagnol, c'est l'orthodontie, c'est complètement autre chose. Enfin, c'est une spécialité à Paris de redressement des dents pour les enfants. Ouais, voilà. Mais c'est pas du tout ça qu'on fait. Le dentiste. Il y a des prothésistes. Il y a des prothésistes, des dentistes. Il y a Anne-Marie. Il n'y a pas d'orthodontiste. Non, ouais, mais du coup, ils utilisent quand même ce mot-là facilement. Ça fait partie de leur. C'est pour ça que je l'ai en tête. Anne-Marie, tu as fait des ateliers de peinture? Oui, moi j'ai fait des ateliers de peinture. Est-ce que je peux dire bonjour? Et des projections. De films. Bon, les projections, bah, c'est toujours pareil. Les gens sont contents de voir des films. Et puis, c'est le petit plus, parce qu'on est là tous ensemble et on en profite pour faire ça, parce que ça fait toujours plaisir aux gens. En ce qui concerne les ateliers de peinture, bah oui, j'en ai fait. Pendant que François-Xavier soignait les dents des gens, bah, moi, je faisais des ateliers de peinture. Et ce que j'ai pu constater au niveau de l'école, ça, c'est plutôt un constat par rapport à l'école, c'est que là aussi, ils étaient beaucoup plus organisés qu'à l'époque, parce que c'est pas la première fois que je faisais des ateliers de peinture, j'en ai fait beaucoup. Et là, il s'est trouvé j'ai fait des ateliers de peinture avec beaucoup d'enfants, c'était souvent plus de 100. Et donc, heureusement qu'ils étaient organisés, parce que sans ça, je serais devenue chèvre, je crois. Et effectivement, je leur parle, je leur explique, je leur dis, voilà, je fais ça et tout. Ils me disent, bon, bah, très bien. Alors on va faire comme ça, on va réfléchir à comment on va arranger les choses, parce que je leur dis, vous savez, ça peut pas être 100 enfants en même temps, parce que sans ça, il n'y a pas assez de pinceaux. Hein. Et puis ils se sont réunis, et puis ils ont vu ça très bien, et surtout ils ont fait l'effort de convoquer d'autres écoles qui étaient dans les environs, qui étaient à 7, 8 kilomètres, et les enfants sont venus pour pouvoir profiter aussi des ateliers de leurs petits copains de cette école-là. Et donc, j'ai vu arriver de la communauté où il y avait les ateliers. Et donc, ils sont arrivés en fonction de la distance d'où ils venaient. Ils arrivaient plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Mais c'était assez formidable de voir comment les promoteurs d'éducation partageaient avec les autres, quoi. Comment ils mettaient les choses en place, comment ils laissaient de la place aux autres promoteurs d'éducation. Parce qu'évidemment, les écoles qui venaient arrivaient avec leurs promoteurs d'éducation, c'est normal. Et donc j'ai trouvé que... ouais, c'est ça, c'était un petit voyage, hein. C'est comme la sortie les sorties que nous on fait en Angleterre, eux ils les faisaient à l'atelier de peinture. Mais c'était sympathique, bien organisé, et aussi un truc vraiment plaisant, c'est que à la fin des ateliers, en fait, tous les membres ils venaient me voir, ils venaient me donner la main et me dire merci. J'ai vu comme ça défiler 100 mots comme ça, ils me disaient merci, merci, merci. Enfin, c'était très sympa. Vraiment, c'était sympa. Et tu te sentais bien appuyé par les promoteurs, ce qui n'était pas forcément toujours le cas à l'époque, mais là, ça a été comme ça tout du long. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire sur les ateliers de peinture. À part ça, ben, ils peignent toujours très bien. C'est toujours génial de voir ce qu'ils ont dans la tête et comment ils prennent ça à bras-le-corps, à pleine main, et comment ils font des belles choses, quoi. Et aussi, une chose, c'est qu'avant, ils n'avaient pas forcément autant envie de garder les peintures. Mais là, ils avaient tous envie de ramener la peinture à la maison. Ils disaient, est-ce qu'on peut la ramener? Et puis, ramener la peinture à la maison. Donc, on ne peut pas faire d'expo avec les dessins. On ne peut plus faire d'expo. Non, ça, là, c'est mort. Ils les gardent. Et fixe, toi, du coup, ça fait des années que tu vas dans la zone faire des ateliers. Bah, c'est depuis 2008-2009. Oui. Enfin, en 2008-2009, j'étais parti 6 mois. Pour initier ce projet de formation, de capacitation, comme ils disent, de promoteurs dentaires, donc pour former des gens qui soient à même après d'apporter, de donner aux gens des communautés zapatistes les soins dentaires dont ils ont besoin. Et c'est un projet qui dure, ce qui est déjà bien, ce qui n'était pas gagné, qu'avec les années qui passent, j'essaye d'y retourner au moins une fois par an, mais par exemple, j'étais pas allé l'an dernier. Donc c'est pas toujours évident avec le temps et la distance et les contraintes là-bas que ça dure, mais c'est un grand plaisir moi à chaque fois que je vois qu'ils continuent, qu'ils sont toujours aussi motivés et toujours aussi compétents dans l'attention et dans les soins qu'ils donnent. Et avec la possibilité maintenant de couvrir de plus en plus de champs de la santé dentaire, puisqu'au début on avait travaillé sur tout ce qui était soins, hygiène, traitement des caries, dévitalisation, extraction. Mais depuis 3 ans, donc on travaille aussi avec un prothésiste, puis maintenant 2 de San Cristobal, rencontrés par des amis, donc qui ont commencé à les former aussi, enfin à former des gens en parallèle, des gens des communautés pour être prothésiste dentaire. Et donc, les deux mis bout à bout maintenant. Cette année, on a commencé à travailler sur des prothèses fixes, couronne, bridge. Et c'est ce que je leur disais à la fin, c'est ce qu'il faut énormément valoriser, c'est que grâce à la construction de l'autonomie, Petit à petit, ils arrivent vraiment à apporter aux gens des communautés tout un service de soins dentaires que les gens qui ne sont pas dans les comités apatistes, qui sont dans celles du gouvernement, n'ont pas, parce que dans le meilleur des cas, ils ont accès à des dentistes privés, mais qui sont extrêmement chers, et dans la plupart des cas, ils ont accès à aucun soin dentaire, et que donc les communautés apatistes ont grâce à leurs efforts, parce que c'est important de le souligner, c'est que la situation elle est super dure, que souvent vulgairement je dirais qu'ils ont chié, que c'est pas facile et tout, mais que petit à petit comment ils commencent quand même à accueillir les fruits de tous ces efforts et avoir des choses qui commencent à se solidifier, avoir des bases plus solides et à se construire et évoluer vers quelque chose de plus abouti. Après, je ne vais pas non plus dire que c'est complètement parfait et que évidemment et que c'est idéal. Le problème étant notamment qu'ils sont, ceux qui sont vraiment, enfin que former des gens pour ce type de soins, de capacités, c'est assez compliqué, c'est long, ça prend énormément de temps. Donc il y a ceux que j'ai pu former en étant là-bas pendant 6 mois, qui sont vraiment formés et compétents. Mais que les autres qui sont nommés après, qui essayent de s'agréger au projet, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas en y allant 2-3 semaines par an. Enfin, même si j'y vais un mois, j'y suis pas un mois complet pour les former. C'est trop court pour former d'autres personnes. Donc ils sont formés, mais peu nombreux par rapport à l'ensemble des gens des communautés. Et après, tout l'enjeu serait que eux soit arrivent à former d'autres personnes, soit que comme il y a les prothésistes sur place, du Chiapas, de San Cristobal, qui se sont motivés pour travailler avec les apatistes, il y ait des dentistes aussi qui fassent de même, parce que étant sur place, c'est plus facile. C'est un petit peu le cas, c'est en train de voir le jour. Anne-Marie, tu parlais tout à l'heure des avancées des Escuelitas, c'est un peu le cas dans le cas du projet dentaire, puisque c'était pas très très évident avant, puisque tu parlais du caracol d'Oventic, là on est sur la santé dentaire, on est sur le caracol de Morelia, et par l'intermédiaire de ces gens qui sont prothésistes à San Cristobal, on a rencontré deux jeunes dentistes de San Cristobal qui travaillent sur la santé dentaire à Oventic et qui seraient prêtes à venir aussi aider les promoteurs dentaires de Morelia et aussi des gens qui sont formés aux prothèses dentaires qui voudraient se former aux prothèses dentaires sur Ventic, qui viendraient se joindre aux ateliers de Morelia. Alors ça reste à concrétiser, mais ça c'est aussi le signe d'une ouverture et de liens qui se font. Ça n'aurait pas été envisageable il y a 10 ans. Et là, mais là, c'est pas, ouais, c'est encore à concrétiser. Hein, faut pas non plus. Mais par contre, effectivement, ça participe. Moi, je pense que c'est vraiment toujours important de souligner. On a fêté les 20 ans. Que 20 ans, c'est rien dans la construction, dans une telle adversité, d'arriver à construire un modèle de société autonome avec toutes les avancées. Ce qui a déjà été construit, c'est énorme. Que ça continue à construire, avec aussi toute une réflexion qui peut nous interpeller. En tant que libertaires, en tant que gens qui cherchons des alternatives au système capitaliste, ils sont dans les discussions, on en parlait avec les promoteurs dentaires et prothésistes dentaires, c'est comment les communautés valorisent ce type d'acquis, ce type de connaissances, et que ce sont des gens qui sont tous qui continuent à travailler à leur terre, qui sont tous paysans, et comment est-ce que les communautés peuvent les aider à être un peu plus dentistes, un peu moins paysans, mais sans créer des spécialités, des classes sociales. Et qu'il y a toute une réflexion là-dessus sur comment les aider à passer un peu plus de temps à soigner des dents et donc un peu moins cultiver leur champ, quelle compensation leur donner sans faire des... parce que c'est travailler le champ en plein soleil, c'est quand même plus difficile que d'être entre guillemets au frais à soigner des dents. Enfin, c'est physiquement plus contraignant et plus dur. Mais effectivement c'est pas toujours au frais parce que c'est pas climatisé, mais en tout cas c'est toute une évolution, une réflexion qui est évidemment intéressante. C'est comment est-ce qu'on construit une vraie société alternative à celle que nous connaissons sans remettre dedans les ferments de choses qui nous ramèneraient au point de départ. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en sont très conscients, quoi, et y compris, parce que c'est vrai que ça peut paraître moins difficile d'être promoteur dentaire que d'aller suer sang et eau dans son champ, mais d'une part, ils font les deux, mais aussi, ils ont aussi une vraie conscience des responsabilités que le fait d'avoir été formé leur donne, y compris que certaines charges qu'ils pourraient avoir envie d'avoir, ils ne vont pas les prendre, parce qu'il y a quand même aussi, ils se sont aussi aperçus qu'il y avait besoin d'une continuité à long terme, que les gens formés, il fallait qu'ils soient formés pour longtemps pour pouvoir former les autres et pour pouvoir avancer dans la santé. Et ça, c'est une chose que moi, en tout cas, j'ai perçu plus cette... Enfin, moi aussi, j'avais été dans les ateliers dentaires il y a des années avec François-Xavier, et là, je l'ai senti encore plus fort chez ces promoteurs qu'on a retrouvés qui venaient de cette époque-là. Et aussi, un truc que j'ai ressenti, c'était ceux qui faisaient les... comment on appelle ça, les appareils dentaires, enfin... Ceux qui étaient les prothésistes, ils ont assisté au cours de François-Xavier pour soigner les dents. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font pas non plus une séparation totale entre les choses. Ça les intéressait. Ils n'ont pas dit « bon, ben nous, on fait juste les prothèses ». Ils étaient très, très attentifs à ce qui se passait au niveau des dents elles-mêmes. Ça aussi, c'était intéressant. En fait, j'avais aussi envie de dire, parce que ça m'y fait penser, là, Morelia, quand on a été à Morelia, en fait, on a demandé à la Junta d'aller dans la communauté Diez de Avril, communauté qui a été attaquée violemment par des paramilitaires il y a un peu plus d'un mois maintenant, mais en fait, c'était presque, quand on y est allé, ça faisait à peine quelques temps. Et comme certaines d'entre nous avaient été à l'Escuelita à Diez de Avril, on s'était senti vraiment, on se disait que c'était important d'y aller pour leur manifester notre soutien et leur dire que leur attaque n'était pas restée lettre morte et qu'ici, en Europe et en France, on avait fait des actions pour dénoncer ce qui s'était passé là-bas. Et donc, on a été là-bas. Et j'ai été... Enfin, on a été vraiment agréablement surpris. Alors, ils nous ont reçus très, très... d'une façon très formelle, parce qu'en fait, on y allait avec quelqu'un de la Junta, etc., etc. Ils nous ont reçus très bien, ils nous ont remerciés d'avoir fait des actions ici, en France et tout. Mais ce qui était surtout, ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, c'est à quel point ils étaient organisés aussi pour se défendre. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'entrée de Diez de Avril, il y avait un barrage où il y avait des hommes qui étaient là et qui étaient là pour regarder que surtout personne ne rentre dans la communauté sans y être invité. Et ces hommes, en fait, c'était les hommes de Diez de Avril, mais c'était aussi des bases d'appui de toute la région, parce qu'en fait, à tour de rôle, ils venaient pour renforcer les hommes de Diez de Avril, pour surtout qu'il n'y ait pas de deuxième incident. Et donc, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, la situation, on maîtrise la situation, il n'y a pas de problème. Et ça faisait plaisir aussi de voir à quel point ils étaient capables de s'organiser entre compañeros pour se filer des coups de main et pour résoudre les problèmes quand il y en avait. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas sans lutte. Et bah donc, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous laisser avec le traditionnel hymne zapatiste de clôture de notre émission. Je vous rappelle juste donc les assemblées générales permanentes tous les mercredis au 33 rue des Vignoles du comité, ouvertes à toutes et à tous. Et le fait que vous pouvez trouver des informations sur le site cspcl.ouvaton.org, ainsi que les émissions qu'on met toutes en ligne sur un blog dont le titre est La jungle des luttes, tout bêtement, et il me semble que l'adresse exacte c'est lajungledesluttes.blogspot.com, mais bon, globalement, en cherchant La jungle des luttes, c'est un peu là-dessus qu'on va tomber. Donc voilà, je vous rappelle aussi le repas à la cantine des Pyrénées samedi midi, à partir de midi. C'est au 331 rue des Pyrénées, en soutien à cet endroit qui est un endroit chouette, qui a fait plein de choses chouettes. Et voilà, un repas végétarien à prix libre pour les soutenir un petit peu. Merci bien, bonne soirée et on se retrouve le mois prochain.